10h jusqu'à minuit, et des fois même de 8h jusqu'à minuit, ça laisse des traces. Alors là, découvrir l'INSA 2 jours, c'est un peu bizarre. Mais donc, ça ne nous empêche pas de repartir bon pied, bon oeil pour une année, la troisième année ou la quatrième année, oui, puisque bon, là, on marche par année scolaire. Donc la quatrième année de rock progressif, 2 heures, avec que du beau monde aujourd'hui. Que du beau monde, effectivement, puisqu'on va parler à la fois des toutes dernières nouvelles, on va s'étendre un petit peu sur Marillion, on va parler du dernier Harmonie, bien sûr, on va parler aussi de toutes les publications qui viennent de sortir, les nouveaux disques de chez Musea, et je ne dirai qu'un seul mot, préparer les cassettes, il y a des choses intéressantes. On va même passer aussi des documents, ce qu'on appelle dans un jargon un peu plus courant des pirates, mais bon, des documents intéressants aussi, et voilà, bon, 2 heures à s'éclater la tête, à écouter différents sur Radio Brume. Odile veut peut-être dire bonjour. Oui, je dis bonjour, et puis je voudrais rappeler le numéro de téléphone pour tous les auditeurs qui seraient intéressés, on sait qu'il y en a, même si c'est le dimanche matin à midi, qui sont intéressés, donc pour téléphoner, c'est toujours le 78 89 45 05, et puis on vous attend, et ben... Voilà, n'hésitez pas pour avoir des renseignements sur tout ce dont on va vous parler aujourd'hui, que ce soit les disques, que ce soit les revues, que ce soit le rock progressif en général. On est là pour vous servir. Il faut absolument faire bouger les choses. Alors, allons-y. Est-ce que Odile à la technique est d'accord pour commencer tout de suite? Alors, vu que le numéro d'Harmonie qui est sorti il y a un certain temps traite du Benelux, je me suis dit, bon, bah, on va commencer par un groupe hollandais, hein, puisque Benelux, ça s'impose. On commence par le grand des grands, Kayak, et un grand morceau, là, il y a de quoi faire une bonne cassette, en tout cas un bon moment. Ça dure 20 minutes, c'est extrait de leur album, leur avant-dernier album, Merlin, Kayak. Crystal gray. I'm God's the dispensers of faith. Aggressive nights must be convinced to challenging the grace.

Et oui, le rock différent, c'est sur Bande à part. Bande à part, alors sur Radio Brume, la radio étudiante de la région lyonnaise. Vous venez d'entendre Kayak. Kayak, c'est un groupe hollandais qui a sorti une douzaine d'albums. Un groupe hollandais qui a sorti cet album ici, Merlin, directement influencé, bien sûr, par les Chevaliers de la Table Ronde. Donc, Merlin en 82, qui est un album concept, c'est leur seul album concept, d'ailleurs, puisque les autres sont des albums beaucoup plus courts, avec des morceaux beaucoup plus resserrés, un peu plus proches de Supertramp, je dirais. Alors, pourquoi Kayak ? Tout simplement parce que Harmony, le dernier numéro que j'ai sous les yeux, numéro 7, vient de sortir, et Harmony est consacrée au Benelux. Alors Benelux, on va rappeler aux ignares que ça veut dire Belgique, Néerlandes et Luxembourg. Donc on parle surtout de la Belgique, on parle surtout de la Hollande, du Luxembourg pas tellement, vu que les groupes de rock progressif n'existent pas du tout, hein, après une enquête directement sur les lieux du crime. Voilà donc Harmony qui vient de sortir avec son numéro 7, on va s'étendre un tout petit peu plus longtemps sur le contenu de ce nouveau numéro. Mais avant, on va faire notre petit devoir de DJ professionnel. On va vous rappeler la fréquence, le numéro de téléphone, et on va vous toucher deux mots sur le Minitel. Voilà, donc c'est toujours le 90.7. Vous êtes toujours sur Radio Brume, bien sûr. Il est exactement 12h28 et 56 secondes. Et puis le numéro de téléphone, ça n'a pas changé. C'est toujours le 78 89 45 05. Et à propos du Minitel, donc Thierry va vous en dire deux mots. Voilà, alors sur le Minitel, par le 3615, le traditionnel 3615, on tombe sur donc un logiciel très très intéressant, puisqu'il vous parle entièrement de Radio Brume. Les programmes, jour par jour, heure par heure, toutes les émissions, les détails, etc. Alors, en ce qui concerne Bande à part et le rock progressif, il y a une base de données très intéressante qui a été mise à jour, qui avait été créée par Eric, le créateur de Bande à part, et on lui fait bien un petit coucou comme ça au passage, donc, et que j'ai soigneusement mise à jour il y a de ceci à peu près 15 jours, 3 semaines. Alors, dedans, on trouve une flopée de renseignements sur donc ce serveur de Bande à part sur le rock progressif. On trouve d'abord tout sur les différentes publications qu'on peut trouver en matière de rock progressif, les magazines, les livres, les fanzines et les newsletters. On trouve également tout sur les groupes. Il y a une trentaine d'adresses de groupes connus ou inconnus, que ce soit d'Anoxy, que ce soit de Marillion, que ce soit de Genesis, et j'en passe, les adresses précises et au goût du jour. Bon, on trouve également une sélection des disques Musea. Alors Musea, on va en revenir, pour ceux qui ne sont pas au courant, on reviendra tout à l'heure au cours de l'émission, hein, c'est le label progressif français par excellence, avec des majuscules partout. Et on trouve également des renseignements sur, bien sûr, l'émission. Hein, quand est-ce que ça a lieu? Alors, comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, donc ça aura lieu toujours le dimanche de midi à 2h, de 12h à 14h. Simplement, on ne sait pas encore bien, on n'a pas bien mis en place quel moment dans le mois. La fréquence est mensuelle. 2h, il faut quand même les préparer. Donc la fréquence est mensuelle, mais bon, début de mois, milieu de mois, fin de mois, bon, ça c'est un petit peu à voir. Bon, ça vous forcera à écouter aussi les émissions d'Odile sur la poésie qui sont très très intéressantes. Moi, c'est pas moi qui dirai le contraire. Merci. Voilà. Stop les louanges. Voilà. Donc, on trouve donc des détails là-dessus. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore sur le Minitel? Bon, bah, de faire le 3615 et puis taper Brume FM. Donc, en un seul mot, Brume FM. Fréquence, modulation de fréquence. Voilà. Donc, sur le Minitel, je vous engage très fortement à le consulter. Et puis il y a aussi tous les concerts actuels, hors rock progressif. Oui, bien sûr, parce que bon, là, je me suis étendu sur Bande à part, mais c'est vrai qu'on trouve le Fuck Top, c'est vrai qu'on trouve tous les concerts qui ont lieu sur la région lyonnaise, c'est vrai qu'on trouve une foule de renseignements. Voilà, enfin, bien. Tout savoir sur voilà. Brume, et ben, tapez donc le 3615, code Brume FM. Et puis, de toute façon, vous pouvez toujours téléphoner. Jusqu'à 2h, on est là. Et après 2h, il y aura encore quelqu'un, puisque c'est la suite des émissions, au 78 89 45 05. On va peut-être continuer maintenant avec la suite Voilà, alors on va commencer maintenant à attaquer les nouveautés. Vu que là, on a passé un petit peu des vieilleries, ça datait de 82, c'est relatif hein, au niveau vieillerie, c'est l'avant-dernier album de Kayak. Là, on va passer aux nouveautés. Alors, on va passer aux nouveautés Musia, d'abord. C'est pas parce qu'on est financé par eux, vu que c'est une association sans but lucratif. Simplement que c'est un petit label à soutenir Mordicus. Pourquoi ? Parce que c'est un label qui, depuis 2 ans maintenant, mène deux activités de front au niveau du rock progressif au sens large du terme. C'est-à-dire qu'à la fois, il réédite des chefs-d'œuvre du passé. Bon, je pense à Pulsar, je pense à Sandrose, je pense à Arachnoïde qu'on va entendre tout de suite. Et en même temps, il sponsorise ou édite des tout nouveaux groupes comme Halloween qui fait la une d'Harmonie et qu'on entendra tout à l'heure aussi. Donc, réédition de vieilles choses qui étaient restées au musée, certes, en général très peu connues parce que bon, il n'y a pas eu l'audience, etc. Et en même temps, donc promotion de nouveaux groupes comme Halloween par exemple. Ça, c'est déjà les deux tendances de Muséa. À ceci, il faut rajouter aussi une double attitude en ce qui concerne le rock progressif. J'ai dit tout à l'heure qu'il était au sens large du terme, c'est-à-dire que aussi bien le jazz rock, l'école magma, ce qu'on appelle la Zeul Music, aussi bien le folk progressif que le rock progressif au sens pur, hein, tendance Marillion, Genesis, etc., trouve place sur le label Muséa. Donc, il y a actuellement une douzaine d'albums, et oui, déjà, qui ont été édités. On retrouve à la fois une compilation de magma et de groupes de cette tendance, je pense à Chub Nigura, par exemple, et à la fois des disques de rock progressif, comme on va entendre maintenant, style Arachnoïde, style, etc., proche de Ange, etc. Bon, alors donc, là, on va vous brancher tout de suite la petite nouveauté, c'est sorti il y a 2 mois, même pas, c'est Arachnoïde. Arachnoïde, c'est un groupe façon Ange, qui d'ailleurs est contemporain de ce groupe. Il a commencé dans les années 68-70, qui a tourné dans la région parisienne essentiellement, qui en 79 s'est décidé à rentrer au studio et faire un album, avec l'aide d'ailleurs du maquettiste de Ange, mais qui a refusé toute compromission, et c'est-à-dire de signer sur un label officiel. Donc le disque est sorti, mais est resté très très marginal. C'est dommage parce qu'il est superbe. Il a été enfin réédité par Muséa, Arachnoïde, leur premier album, en exclusivité sur Radio Brune. Qui brille et qui dans la machine. Grain de sable dans la machine. Grain de sable dans la machine. Dérégler l'intelligence. jeter dans ce dédale étoilé. Les portes d'ivoire s'ouvrent et t'entraînent envoûté vers un voyage sans retour. Arachnoïde, première nouveauté Muséa. Il vient de sortir il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Bon, sans vouloir faire le professeur, vous avez senti une forte influence à la fois de Ange et de King Crimson. Bon, l'album est tout du long de cette teneur, donc je vous conseille très fortement de vous le procurer. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Voilà, bon, on va peut-être passer aux nouveautés et aux news, pardon, voir un petit peu les nouvelles. Du rock progressif, sur le front du rock progressif. Alors tout le monde a entendu parler du départ de Fish de Marillion. Ça fait la une de tous les journaux ou presque, enfin ceux qui s'intéressent au rock progressif. On le confirme ici sur cette antenne, effectivement Fish, après s'être engueulé assez fortement avec ses collègues de Marillion, a décidé de quitter le groupe. Ça c'est une certitude. Par contre, une nouvelle officieuse, c'est plutôt du domaine du on dit. Il partirait avec un autre groupe progressif qui a marqué le retour de cette musique sur les ondes et sur le vinyle. C'est Palace, fameux groupe écossais. Donc il partirait jouer avec Palace, jouer et chanter. Bon, ça reste à confirmer. En tout cas, Palace, toujours ce groupe-là donc d'Écosse, après avoir sorti donc The Wedge il y a 2 ans, devrait sortir un album incessamment sous peu, comme on dit. Donc surveiller de près les bacs de nos chers disquaires. Donc Palace, du côté des nouveautés vinyliques, on pourrait citer aussi Pendragon, qui a terminé, qui a mis en boîte son album, mais qui cherche toujours un label intéressant, dans la mesure où il pourrait le sponsoriser un peu plus fortement. Car le groupe veut absolument cesser d'être dans la marginalité, d'être le petit dauphin sympathique de Marillion et percer, vivre de sa musique. Quant à IQ, il est aussi question d'un album. Il était prévu pour novembre. Je pense qu'on peut le compter fermement pour la fin de l'année. Ça fera un joli cadeau de Noël. Donc voilà, du côté du rock progressif anglais et des petites nouvelles. Alors, deuxième nouvelle.